بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، سيد بعض الإخوة ما قد فهموا، بلى إن شاء الله سنعيد بإذن الله تعالى. كيف كنا دي بغبار بلى؟ قلنا تختص بالنفي وتفيد إبطاله. ما معنى هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. On a dit que le fait d'utiliser la particule بلى c'est spécialement que pourquoi une question qui est précisée par quoi? Par une négation. طيب تقول انت فكيف لم يكن من انت من الهند اليس كذلك؟ اين النفي هنا؟ ليس اليس مفهوم هذا لفات d'avoir mis une question négative tu vas utiliser bala et bala ça permet de quoi d'enlever cette négation là. Concentrez-vous les frères, hein, inchallah on va pas le répéter jusqu'à la fin du deux, hein. Pourtant tout le monde me disait comprenait presque. طيب alors quoi? Bala tartas bi nafi. Mufum? C'est-à-dire quelqu'un te dit anta min al-hind, alaysa kazalik? Vous comprenez là? Les alaysa. Toi le fait d'utiliser bala, tu vas enlever quoi? Cette négation là. Mufum? Tu diras quoi? Bala. Mufum hala? C'est-à-dire le fait d'avoir dit bala, tu enlèves quoi? Enlever la négation. Mufum hala? Par exemple si tu te dis alam ta'kul, il y a une négation non? Il y a une négation. Et tu diras quoi? Bala. À quel tout? Oui, certes, j'ai mangé. Le faux? Mais si tu dis na'am, ça veut dire quoi? Tu confirmes cette négation. Vous avez compris? Alam ta'akul ta'kul na'am ma'a kalt. Le faux, m'hala? Qui n'a pas compris ça? Alors que na'am, il peut être dans une question positive ou négative. Dahabtel al-mazid al-yum ta'kul? Na'am. Ma dahabtel al-mazid ta'kul? Na'am. Vous avez compris ça? Tu peux dire na'am dans les deux cas. Mais la négation là, le fait de mettre laïsa, tu seras quoi? Obligé de. Si tu veux enlever cette négation là, tu mettras quoi? Bala. C'est qui m'a posé la question? C'est quoi? T'as pas bien compris? C'est bon là? Non mais tout ce que je viens de dire là, c'est compris, Mohamed? C'est quoi l'ishkel là? C'est quoi? طيب ايه البروبليم لا نعم بلا تدي اخوا tu vas enlever la négation نعم non c'est à dire tu enlèves cette négation là tu dis انا بلا tu diras moi je suis par exemple soit d'Algérie ou du Maroc il a akhir مفهوم هذا et moi je vais vous donner un exemple plus simple tu dis par exemple si je dis alam ta'kul tu diras quoi بلا اكلت مفهوم هذا طيب. Après, c'était quoi la deuxième question? C'était par rapport, barakallahu fikoum, un frère m'a demandé par rapport à le darz hier. On va reparler, inshallah, vite fait. Ça y est, am sakhadna al-fi'l al-mazi, barakallahu fikoum. Qu'on al-af'al tanqassimu ala kam aqsam, ya Mohamed? Salafa. Al-mazi. Al-mazara, wa mada? Fahal, wa? Na. Mazdar, y'a un temps? C'est quoi le temps? والامر مفهوم الماضي والمضارع والامر. طيب كي كونسيرن سي كوا الماضي. طيب ما هي تعريف الماضي؟ هي الشوز كي سي باسي دون باسي يا اكشن يا طون مفهوم هذا بارك الله فيك. طيب ما دل على معنى مقترن بزمان الماضي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الماضي عندك علامته عندك التأنيث également également لا هي فنطال الفاعل ذهبت ذهبت تسا تسي ضمائر مفهوم هذا بارك الله فيكم. اي ما معنى تأنيث؟ Et non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de trouver ça, ça nous permet de savoir quoi? Savoir si c'est un fial. Un fial ou un fa'al? Un fial. C'est en fait, c'est un fa'al. Un fa'al, ouais. Ouais, bien sûr, c'est-à-dire ça demandera quoi? Un sujet féminin. Le fa'al, barakallahu fik. Exemple, avec ta nit. Qui est d'Abat? Tu viens vers moi, tu me dis d'Abat. Moi, je ne peux pas savoir c'est qui. Zahaba, Zainabu, Aminatou, il a le masjid. Le Fumada ? Très bien, barakallahu fik. Et si toi tu nous informes, c'est parti, tu diras Zahabtou. Si toi tu parles de moi, à moi, c'est-à-dire Anta Zahabta. Si tu dis, attends, si c'est nous tous qui sommes partis, on dira Nahnu Zahabna. Si tu dis à un groupe de frères, tu leur parles à eux, tu diras Antum Zahabtou. Si c'est un groupe de sœurs, voilà, Antunna après quoi? Antunna, Bahabtunna, Taïb. Si c'est un groupe de sœurs qui sont parties, elles l'informent? Non, elles-mêmes, elles parlent. Elles-mêmes, elles parlent. Antunna, Bahabtunna. C'est-à-dire, les sœurs, elles disent Antunna, Bahabtunna. Je répète, n'a pas de mal, Allah est avec lui. Par exemple, moi, je vous dis quoi? Nahnu Dahabna. Taïb, nous, nous sommes partis. La même phrase pour des sœurs. Hein? La même chose. Je peux dire quoi? Les groupes de sœurs disent Nahnu Dahabna. Très bien. Si c'est une sœur qui dit qu'elle est pas, elle est partie. Anna Dahabtu. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque? Un frère qui est parti. Tu nous informes d'un frère qui est parti? Dahaba. Très bien. Zaidun Dahaba. Si c'est une sœur qui est partie, Ya Zahabat. Si c'est. Tu parles à deux frères qui sont face à toi, tu diras Antuma. Antuma, Antuma. Antuma, Zahabtuma. Très bien, Barakallahu fik. Si tu informes sur deux frères, Huma Zahaba. Si tu dis à deux sœurs, deux sœurs, deux. Tu parles à elles, elles sont face à toi. Antuma, salam. Le frère Kamel, il a bien répondu. Il parle à moi et à Mohamed. Il dit Hal dahabtuma ila al masjid al yom. Naqul na'am. Toi, par exemple, tu dis la même phrase mais à deux sœurs. Dahabtuna, là. Andek Dahabtuna. Attends, t'avais dit dahabtuma? Zahabtouma, la même chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tu nous informes sur deux sœurs à son parti? Deux sœurs à son parti? Ouais, tu nous informes sur elles. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. Zahabata. الماضي والفاعل. طيب en ce qui concerne après le vers barakallahu fikoum avec نعم بلا, on avait dit quoi ici? On a dit que si on dit أذهبت إلى المدرسة, on disait quoi? نعم ذهبت. مفهوم هذا إذا كان الجواب مثبت, c'est-à-dire si c'est positif. Et si c'était négatif, on dirait quoi? ما ذهبت. مفهوم هذا, suivez-moi bien. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Ama zahabtel al madrasati am taqul mada. In zahab taqul mada. Bala zahabtu. Le fou mada. Suivez bien. Ama zahabtel al masjid ou il al madrasa. Si tu as fait l'action, tu diras quoi? Bala. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit sur bala? Tenfi. T'as compris ça, Mohamed? T'as vu comme il te l'a mis là. Mais si tu n'as pas été, tu diras quoi? Ah, kaza. Le fou mada. Après on a parlé de quoi, barakallahu fikoum, que le ma, s'il rentre dans le mavé, il n'y a pas besoin de le répéter, suivez-moi bien. Le fond. Alors à l'inverse du la. Le fond. Si toi tu utilises la particule la nafia dans le mavé, tu seras obligé de le répéter. Par exemple, tu me demandes hal sharibta ou akalta qulda kamada. La akaltu wa la sharibtu. Le fond. Wa fi surat al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ma yaqul fala saddaqa wa la salla. مفهوم كرر الفعل في الماضي مفهوم هذا زي كومبري سا T'as compris là? Répéter, c'est-à-dire le la et un verbe. Hada wal as. Répéter quoi? La question. C'est pas une question, moi je reste. C'est une question. Voilà. Je vais répondre par le. Répéter en gros la question. Par exemple, tu demandes là, à quel temps? Tu dis quoi? Dis-moi, réponds-moi comment toi t'as compris. Je vais expliquer comment tu. Vas-y. À quel temps? Ouais, moi je viens vers toi, je dis, à quel temps tu me diras? Moi j'avais compris, à quel temps? Akaba. Ouais. Bah, t'as pas bien compris là. Tu m'as dit, il faut répéter. Répéter, mais répéter quoi? C'est ça que je veux, moi, dis-moi l'action. Ce qu'il fallait répéter. L'action, le. C'est-à-dire là, à quel temps, là, à quel temps? Non, tu m'as posé la question, est-ce que j'ai mangé? Je te répète, la question c'est quoi? Abdelkarim, moi j'ai envie de voir vraiment si tu comprends bien la chose. Tu m'as dit, moi j'ai compris quoi? Qu'il fallait répéter. Je dis, là, dis, non? Moi je veux savoir qu'est-ce que tu dois répéter. Parce que de temps en temps, toi tu te compliques des choses. Alors moi je veux savoir, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que tu répètes. Parce que là, t'as rien répété. T'as dit là à quel tour? Ce que tu voulais savoir sur... Non, t'as pas répété, ça s'appelle pas répéter, ça. En français, ça s'appelle répondre. Oui, ça s'appelle pas répéter. Ça veut dire il faut répondre. Mais dans les deux cas, tu peux répondre avec la et ma. C'est-à-dire, si je te dis, hel akel ta taqul mada, ma akel tu. Me fum hada? Si tu utilises la particule ma al nafiya. Me fum ma akel tu. Ou ma sharib tu. Mais si tu vas utiliser la particule la nafiya fil fi'l al madi, tu vas répéter. فلا صدق ولا صلى لا اكلت ولا شربت هل رايت عمر لا رايت ولا التقيت معه مفهوم كي a compris ça tu m'as compris non مفهوم non parce que c'est au mardi on a dit les frères non on devra mettre là devant. Non, c'est ça la règle là. Avec le ma. Là, voilà. Ma à quel tout. Hal dahabt al masjid? Ma dahabt. Par exemple, si je te dis hal ra'ayta masjid al haram? T'as ici déjà Mecca? Utilise-moi le là. La ra'aytu wa la. La par exemple, tu dis quoi? Masjidun. La ra'aytuhu wa la dahabt. Mefhoum hada? Hakada. Qui a compris la réponse là? La dahabtu wa la ra'aytu. Mais si c'était ma dahabtu. Vous avez compris là? J'ai demandé à un frère, est-ce que tu as été à Mecca? Ma dahabtu. Il aurait utilisé le la. La dahabtu wa la ra'aytu. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Comme ça va, moi. Je sais pas ce que tu veux dire. Pourquoi je ne sais pas. Parce que Rabbi l'a parlé comme ça. Non, je sais pas ce que tu m'avais. Tu sais, les frères. Ça, c'est pas nous qui avons inventé ces règles-là, barakallahu fikoum. En plus, dans le A, on a parlé de quoi déjà? On a dit quoi? Quand l'islam s'est propagé, Omar ibn Khattab, il n'y avait pas de règles à son époque, ni Abu Bakr. Alaykoum salam, ça, il faut comprendre ça. Les Sahaba, radhiyallahu anhum, quand ils parlaient avec le prophète, ils disaient jamais dit à Zaydin, impossible ça. Vous avez compris? Ya Aba Bakrin, Ya Aba Horera. Vous lisez un peu les hadiths, quand on fait Bukhari, tout ça. Quand on lit les hadiths, Ya Aba Horera. Ya Aba Sahl, Ya Aba Moussa. Ça, c'était sur leur langue. Ça, il faut le comprendre. Les Sahaba, le Nabi, il n'y avait pas de cours de Nahou. Quand l'islam a pris, c'est-à-dire il s'est propagé dans le monde, qui est rentré dans l'islam? Al-Ajim. Le fond? Les Kabyles, les Perses, peut-être vers l'Afghan. Ils ont commencé à faire quoi? À déformer. Il se peut que tu vas, par exemple, quand l'islam est arrivé vers un Kabyle, l'autre, il faisait dire Ya Zaydin, Ta'al. Ils ont fait quoi? Ils ont pris l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège sa religion. Alors les grammairiens, ils ont fait quoi? Ils ont regardé dans la langue arabe, Al-Qur'an, wa Sunnah, et ils ont mis des règles. C'est un grand travail ça. Ça veut dire, ils ont vu quoi? Par exemple, quand c'était là, dans le fi'l madhi, ils ont vu quoi? Yatakarrab. C'est pas quelqu'un qui est venu il y a peut-être 100 ans, il a fait ça. Là, là, là. Vous comprenez ça? C'est comme ça. C'est-à-dire comment on a, ce sont les grammairiens, ils ont regardé. C'est par exemple, dans la langue arabe, ils disent « Imma fi'al »,« Imma is »,« Imma haf ». Comment ça? C'est en regardant. La langue arabe, ça tourne autour de ça. Soit un verbe, soit un ism, soit un haf. Vous comprenez ça? C'est pas un hadith du prophète, ça. C'est quand les gens, ils ont regardé. Alors imaginez-vous, c'est-à-dire grâce à Allah, Rabbi il a facilité des hommes qui ont préparé quoi ? Six règles de grammaire. Sinon, ça aurait été la fauba. Vous avez compris ça ? Imaginez-vous, ce serait comme ça. Ja Zaydan, Ja Zaydoun, là, Ja Zaydi, non, t'as faux. Non, moi, je crois que c'est Zaydoun. Alors, ils ont pris des règles. Vous avez compris ? Moi, pourquoi je te dis ça ? C'est pour que tu comprennes. C'est ni Cheikh Mourdi Rahimallah, ni Cheikh Al-Uthaymin Rahimallah, les grands ulama salafis qui ont mis ces règles-là. C'est-à-dire que ce sont des règles d'avant. Et quand vous allez faire, Inch'Allah, bientôt, Khatar Nada ou Al-Alfiya, vous allez voir après les deux grandes écoles comme Al-Kufa ou Basra, leur dalil ce sera quoi ? Un verset, un hadith, ou les grandes poésies des Arabes. À l'époque du Prophète, ou même avant l'islam. Comment les Arabes parlaient. Et ça, c'était des dalils. Vous avez compris ça ? Okay. Moi je t'ai dit ça pour que tu comprennes, c'est pas nous qui avons dit pourquoi si on a mis là, il faut répéter encore là. C'est des qawa'at ça. Et ça c'est ila yawm al-qiyam. Il peut pas arriver quelqu'un même de plus intelligent dans 20 ans et dit non, moi je pense que ce serait mieux de dire par exemple juste la akaltu. Dire man ant. Qui es-tu ? Allah subhanahu wa ta'ala a parlé comme ça. Le prophète sallam a parlé comme ça. Vous avez compris ça ? Hakal. Et vous regardez bien. Une fois là, avec le prof avec qui on fait l'arabe, il y avait une mas'ala comme ça. Est-ce qu'ils parlaient comme ça d'eux-mêmes ? Et ce que je me souviens, na'am. Ça veut dire c'était sur leur langue. Vous comprenez ça ce que je veux dire ? C'était sur la langue des sahaba, les arabes. Rabbil alamin, c'est-à-dire l'éloquence à eux-mêmes. Vous comprenez ? Ça, c'est pas une chose qu'ils ont. Il y a eu des cours, par exemple, Abou Bakr Radlani, il a ouvert un cours sur le nahou. Là, il n'y avait pas ça. Eux-mêmes, ils parlaient comme ça. Abu Bakr, quand il appelait un sahabi qui avait une kunya, automatiquement, il disait Ya Aba Hawaira, Ya Aba Haf, Ya Aba Musa. Vous comprenez ça ? Ya Taliba Aymin. Hakala. Non. C'est pas là, tu vois. Il m'a dit que les Yémites, c'est leur fitla. C'est leur manière. Qui ? Il m'a dit les Arabes, c'est leur fitla qui parlait l'éloquence. Non, à cette époque-là, pas tous les Arabes. Maintenant, souvent, les Yémites, ils mélangent. Non, on parle de cette époque-là. Même si tu disais pas une balle à ramadan, peut-être tu vois la terre. Non, bien sûr. Ah, vous avez bien compris ça, Inch'Allah ? Barakallahu fikoum. Pour ça qu'il y a des choses, on ne peut pas savoir. Il faut retourner au quoi ? Au as. Al-Kitab ou Al-Sunna. Barakallahu fikoum. En tout cas, tout le monde a compris ça là ? Le là ? C'est qui m'avait demandé ? Abdelkarim. C'est bien compris là ? Bien ? Enfin, si je te dis par exemple, t'as déjà été à Mecca ? T'as déjà été ou non ? Ah bah si je te dis Hara et Masjid al-Haram, tu diras quoi ? Si je te demande d'aller à Mecca, qu'est-ce que tu diras ? La Babtu, voilà. Ra'aytuhu. Taïb, Inch'Allah. Bismillah, les frères. C'est pour ça l'importance de la langue arabe. Ouais. Vous allez voir, Inch'Allah, au début, le nahou, c'est difficile. Mais, bi'idhnillah, plus vous allez en faire, plus vous allez aimer. C'est vrai, subhanallah. C'est-à-dire, plus tu fais, plus tu aimes. Par exemple, moi, là, ça va faire peut-être plusieurs fois, je fais le 2. Mais grâce à Allah, le fait, cette année-là, le fait de vous l'enseigner, je profite encore plus. Abu Bilal Hadrami, qui est peut-être un des meilleurs profs ici, lui-même, il le dit. Il dit, enseigner un livre, tu profiteras sans arrêt. Allah c'est le prophète Allah fi aoun de l'abd ma kana l'abd fi aoun akhi. Allah il est dans l'aide de son serviteur comme son serviteur est dans l'aide de son frère. C'est toi le fait que tu donnes du temps à tes frères, Allah il t'ouvre une science. Mais faut malin, et le fait de donner ce que Allah t'a permis d'apprendre, tu verras que Rabbi va te donner des choses que tu n'avais pas bien comprises ou peut-être encore moins comprises qu'avant. Mais faut malin, alors subhanallah, c'est vrai, plus tu fais une chose, tu verras des trucs que tu ne comprenais pas avant. Et surtout la langue arabe, subhanallah, il faut prendre goût. Au début, c'est difficile, mais tu vas voir. Par exemple, cette année-là, la moitié du livre, tu n'as pas compris. Refais-le. Et tu vas comprendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, subhanallah. Mais c'est pour ça que tu verras peu et patient. C'est le nahou. Tu vas te dire, ah, mais c'est embêtant là, mais je suis obligé. La aqidah, plus tu es fort en langue arabe, plus tu comprends la parole d'Allah. Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Demain tu vas faire au sol le fir, t'as besoin d'arabe. J'ai compris. Quand tu lis les hadiths du prophète Sam, plus t'es fort en langue arabe, plus tu comprends ce qu'il voulait dire, Rasulallah Sam. C'est très rare, tu verras un grand talibain, avant même parler d'un alim, qui est faible en langue arabe, qui devient un grand talibain. Parce que ton genre, il peut comprendre des choses qui ne sont pas comme il fallait comprendre. Il sait pas c'est quoi un hal, un mustafna, un mutlaq, toutes ces choses-là. Parce qu'après, c'est pas juste dire à Zaydoun là. C'est ça, c'est quoi ça? طيب بسم الله نقرا اذا الدرس الخامس من فتح باب الفصل سيدكم مساجير بسم الله طيب انا فتحته نعم من فتح النوافذ انا فتحتها انا فتحتها من كسر هذا المكتب نعم فأنت أنت كسرته يا هاشم يا هاشم نعم لأني ما كسرته أرجع زكريا وحمزة وعثمان وعثمان من مكة لا ما رجعوا هذا إفتاده خرج الطلاب الجدود وذهبوا إلى المدير. نعم خرج الطلاب الجدود وذهبوا إلى المدير. أفهمت الدرس؟ لا. أفهمت؟ أفهمت الدرس يا طلحطة؟ يا. طلحطة؟ نعم. نعم فهمت نعم فهمته جيدا. الأجوبة. الأجوبة يا فيصل. طيب لا ما كتبتها لا ما كتبتها سيبقى بعد التكست من الاخرى لماذا لانني ما فهمت الاسئله ما فهمت ولا هيك انكسر لانني ما فهمت الاسئله خليها أحافظت سورة الفاتح الفجر يا إبراهيم نعم أحافظت سورة الفجر يا إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة وحفظت حفظت سورة الطين لا سورة الطين فالطين تين ما معنى الطين لا لا لا première fois tu l'as dit الطين ليس الطين بمعنى الطين ما معناه خلي جم ولا الله حفظي فرسي كوالا فيج انتوا تالر في مدينة سورات كوا ستي الارجيل مفهوم عطين بطا مفهوم بارك الله فيك التين نعم هيك بطا تي يا دي مو با كومبري لا دون تكست Afan, tu as compris? Tout le monde a compris, c'est bon? Réponse de Jawad. Ça veut dire quoi? C'est le pluriel de Jawad, la réponse. Non. C'est bon les frères? Taïl. Nabda. Le bars d'aujourd'hui c'est quoi barakallahu fikoum c'est al maf'oul bi sayd grâce à Allah on a dit quoi al marfou' wa on avait dit quoi al majrour c'est-à-dire les trois voyelles dans la langue arabe ça tourne autour de quoi dans l'is al raf wal nas wal jar le fond هذا vous souvenez dans a non il n'en parlait pas mais moi je vous avais fait une sorte de muqaddima le fond pour comprendre le a plus facilement on avait dit quoi dans l'is il y a al marfou' والمنصوب والمجرور المرفوع يبقى الدم والواو والالف ها زيدون زيداني المسلمون مفهوم هذا المنصوب سيدنا طيب pourquoi on disait le marfou pour que ça permette de faire entrer quoi ces trois harakat مفهوم هذا pour ça tu dis pas الفاعل par exemple دم لا parce qu'on avait dit quoi الفاعل قد يكون مرفوع بالدم إما بالأليس إما بالواو جاء زيد جاء الولدان أو زيدان أو جاء المسلمون Le fond là, tout le monde a compris ça. Et après, grâce à Allah, on a étudié quoi? Al-Majrur. Nazartu ila al-Masjidi. Le fond là, Kitabu Zaydin. C'est-à-dire, le premier, la cause de la kasara, c'était quoi? Nazartu ila al-Masjidi. Hafjar. Hada Kitabu Zaydin. C'était quoi la cause? Al-Mudaf. Le fond, maintenant, il reste quoi à étudier? Al-Mansoub. Al-Mansoub, à la base, sa harakat, c'est quoi? La fatha. Al-Marfou, à la base, c'est quoi? La Dhamma. Ou Al-Majrour, la Kasra. Le fond, et après, plus on va avancer, plus on va voir quoi? Des exceptions. Le fond, vous vous en souvenez ça? Par exemple, l'exception dans le même Al-Nasr, c'était quoi? Non. Non, on parle de harakat, Abdelmajid. Là, il prenait dans le jar, il prenait. Une fatha. Exemple? C'est du harakat, Abdelkarim, Aziz, dans un moment. Ça va aller vite, frère, c'est des révisions. Sami, à toi. Bintou Zainaba. Très bien, Bintou Zainaba. C'est-à-dire Mobaf, Mobaf il est. Ou sinon, Nazartu il a Ahmada. Le fond, vous avez compris là? Alors que normalement, il a une quoi? Une Tatra. On n'a pas dit Nazartu il a Ahmadi. Mada Kunna. Nazartu il a Ahmada. Le fond, voilà, il y a un homme maintenant, mais Nassar. Vous vous souvenez de ça? Et c'est un darf, moi je vous conseille. Si vous l'avez compris, révisez-le. Le fond, parce que celui qui le néglige, ça va partir très très vite. Hein? Parce qu'il y a certaines règles du même Nassar, vous n'allez pas encore les utiliser. Alors donnez-lui un temps. Minimum au moins une fois par semaine. Vous avez compris ça? Barakallahu fikoum. Taïd. Aujourd'hui, le Mansoub, c'est quoi? La terminaison de bas, ce sera la Fatha. Le fond, madame? Et le darf qui nous concerne aujourd'hui, c'est quoi? Al-Muf'ul bi. Qui correspond au français, le COD. Et le ta'rif du maf'ul bih dit quoi? Huwa ism dalla ala shay waqa'a li al-fi'l al-fa'al ithbatan aw nafyan. Taïb, je répète. Ils disent huwa ism dalla ala shay waqa'a li fi'l al-fa'al ithbatan aw nafyan. Taïb, dans certains livres de nahou, barakallahu fikoum, ils mettent quoi? Juste un ta'rif comme ça. Huwa al-ism. Taïb, dalla ala shay waqa'a li al-fi'l al-fa'al. Même ce ta'arif là, normalement, il aurait dû rajouter isbatan ou nafian. Parce que c'est quoi le maf'ul bi? C'est que le sujet, c'est-à-dire le sujet du verbe, il a accompli, c'est-à-dire l'action sur une chose. Le fond? Et cette chose-là peut être accomplie comme elle peut pas être accomplie. Par exemple, je lui dis quoi? Akaltu tufah. Le fond, madame? Akaltu tufaha. Ou darabtu al-walada. Le fond, madame? J'ai fait une action, c'est quoi? C'est de manger. Le fond, j'ai mangé la pomme. Akaltu tufah. Vous avez compris là? Mais si je dis ma akalt, est-ce que tufah il est toujours maf'ul bi? Naam. Vous comprenez ça? C'est pour ça, cette signification, le fait de rajouter isbatan ou nafian, c'est plus complet. Vous avez compris ça? Je répète, inshallah. Ça veut dire quoi? Al maf'ul bi, à la base, c'est quoi le COD? Tu dis j'ai frappé l'enfant. Ça veut dire l'action, c'est quoi ici? C'est de frapper. C'est-à-dire la frappe, elle est arrivée sur qui? Sur l'enfant. Et certains livres de Nahou, celui qui comprend, qui applique réellement la règle, il va dire quoi? Si l'action n'a pas été accomplie, ce n'est pas un COD. Vous comprenez ça? Et ça, c'est faux. Si je dis je n'ai pas frappé l'enfant, l'enfant est toujours COD. Ma zarabtu al-walada. Le fond, madame? Quoi t'as-t-on? Zarabtu al-walada. Vous comprenez ça? C'est-à-dire dans les deux cas, il est maf'ul bi. Zarabtu الولد ما ضربت الولد مفهوم هذا انت كومبرينا بلال لا هل كده كومبريس هذا هو انا دي وي هو هو نو تعريف ده سي امبورطون ça طيب هل كده انت كومبريس ان شاء الله عبد الحكيم تيجي ضربت الولد اين المفعول به الولد ما معنى المفعول به سي لاكسيون اللي arrive dessus vous avez compris ça et ça c'est important d'apprendre dès maintenant pourquoi. Parce que dans le 3, on va apprendre beaucoup de mansoubat. Vous comprenez ça? Par exemple, si je vous dis, ah, Zaydun Ratiban. Ratiban, il est mansoub ou il n'est pas mansoub? C'est mansoub. Mais là, c'est quoi? Est-ce que c'est une action de qui est arrivée sur lui ou c'est dans l'état dans lequel il est arrivé? Il est arrivé en quoi? En monture. Zaydun Bakiyan. Zayd est venu en pleurant. Vous comprenez ça? Pour ça, apprenez dès maintenant, c'est quoi ces significations-là? Al-Maf'ul bi, c'est la, l'action du verbe qui est arrivé ou qui est survenu sur la chose. T'as compris ça, Mohamed ? Un instant. Naam, mais pas forcément. Il peut survenir, c'est-à-dire l'action, il peut, c'est-à-dire elle est survenue sur lui ou non. Zarabtu al-walad, ma zarabtu al-walad. Sharibtu al-ma, ma sharibtu al-ma. Vous avez compris ? Zahabtu, par exemple, tu dis dakhaltu al-masjida, ou ma dakhaltu al-masjida. Athman, tout le monde a bien compris ça, Inch'Allah ? Mohamed, c'est clair ou. L'autre Mohamed ? Tout le monde a bien compris, Inch'Allah ? Taïb. Je redonne la signification. Ils disent Wa ism dal ala shay waqa'a lil fi'l. Fa al fa'l ithbatan ou nafyan. Taïb ? C'est bon, Inch'Allah ? Regardez, maintenant, regarde. قرا الطالب القران هو الاكزامبل اللي جابيه في المونديال جاني اشيما قرا الطالب القران سي دون غران 3 ليكزارسيس غران 3 كل المونديال ان شاء الله غيادي بيان قرا اي لي زامي كوا سي كوا فعل فيرب الطالب فاعل من الذي قرا الطالب مفهوم لماذا قلنا كل فعل لابد به فاعل سيق tout verbe lui faut un sujet. طيب القراءة ما هو المقروء المقروء c'est quoi c'est quoi la chose qui est lue القرآن c'est à dire la lecture c'est à dire celui qui accomplit l'action c'est quoi l'élève et cette lecture là elle est sur quoi القرآن الكريم vous avez compris ça طيب et si on dit ما قراء محمد طيب si on dit quoi ma qara'a talibu al-quran هل هو مفعول به فيا محمد ينان كي ريغول la prochaine fois tu arrêtes le cours non non non pas sérieusement tu bouges les pieds plus tard l'heure c'est un peu de adab wallah t'es content c'est bien alhamdulillah oh ma hawla wa la quwwata illa billah طيب قرأ الطالب القرآن قلنا قرأ فعل الفاعل طالب مفهوم والقرآن هنا المفعول به طيب غتت سيدير سيدي كي اكومبلي لاكسيون سي كوا ايسي الطالب ليلاف والقراءة وقعت على ماذا على القرآن معناه هو المقروه مفهوم هذا maintenant le fait de dire ما قرأ الطالب القرآن هل نقول ليس بمفعول هكذا مفهوم هكذا سيغ سي توا تي في maintenant tu mets ما قرأ الطالب القرآن في كلا الأمرين هو مفعول به سيغ dans les deux cas il sera quoi مفعول به t'as pas trouvé non il manquait une page طيب Inch'Allah طيب c'est compris ça Inch'Allah les frères tout le monde a compris طيب maintenant on va rentrer dans quoi barakallahu fikoum dans les règles du مفعول به déjà dit le مفعول به هو اسم ça fait sortir quoi الفعل والحرف هذا والاس يا با دو مفعول به كي فيرب يا با دو مفعول به كي حرف مفهوم هذا سي كومبري ان شاء الله également on a dit quoi المفعول به منصوب با avec une fatha قلنا ماذا اصل المنصوب ما هو علامته ما هو الفتحه هذا هو الاس ولكن ان شاء الله سنرى بعض علامات ستكون غير الفتحه mais sinon on dit quoi المفعول به يكون منصوب مفهوم هذا؟ Tout le monde a compris؟ طيب après qu'est-ce qu'il y a une autre règle؟ الأصل أن يكون بعد الفعل الفاعل ثم بعد الفاعل المفعول به au niveau de l'ordre c'est ça verbe, sujet, COD هذا هو الأصل moi je ne l'ai pas dit c'est une obligation ça. C'est quoi؟ c'est la base de quoi؟ au niveau de l'ordre verbe, sujet, COD مفهوم هذا؟ قرأ الطالب القرآن طيب مثل كالكان يجي بعضهم قرأ القرآن الطالب مفهوم هذا même s'il n'y a pas de voyelle quelqu'un qui sait réfléchir automatiquement il sait bien que c'est pas le Coran qu'a lu مفهوم هذا demain tu te retrouves devant un texte il n'y a pas de voyelle tu vois قرأ après le Coran et talib. Comment tu aurais lu ça, toi, Mohamed? Talib. Le fond de Hada? Vous avez compris ça? Qui n'a pas compris? Vous voyez, pourquoi là? Il y a une karina, il y a un indice. Le fond? Par exemple, il y aurait Akala, Tufah, Mohamed. Comment tu l'aurais lu? Akala, Mohamed. Non, j'ai dit Akala, Tufah, Mohamed. Akala. Tufahata, il n'y a pas d'hésitation. La pomme ne peut pas manger un humain. Le fond, Akala Tufahata, Muhammad. Vous avez compris ça? C'est pour ça que je dis quoi? La base, c'est verbe, sujet, COD. Hada wal as. Mais si demain vous vous retrouvez devant une chose d'exception, tu regardes s'il y a un indice. Le fond, Hada? Maintenant, il peut s'avérer que de temps en temps, il n'y a pas d'indice. Comme des prénoms comme Moussa, Issa. Vous suivez là? Par exemple, ça, Varaba, Moussa, Issa. Les voyelles, elles n'apparaissent pas. Huna tabqa ala al-asl. Ici, tu restes dans quoi? Le premier, c'est le sujet, et le troisième, c'est quoi? C'est le maf'ul bih. Maintenant, si le frère, il fait une ruse, tu lui fais les deux arabes. Tu dis varaba Moussa Issa, tu dis Moussa fa'al si tu veux, et si tu veux Moussa, maf'ul bih. Vous avez compris ça? Mais sinon, al-asl, ils appellent ça al-kibas. À partir du moment où il peut y avoir confusion, tu mets quoi? Moussa, sujet, et Issa, maf'ul bih. Mais faut m'aider, Inch'Allah? طيب il reste une dernière chose, barakallahu fikoum, al maf'ul bi, il peut être quoi? Soit un ism zahir comme on le voit là, par exemple qara'a talibu al-qur'ana, ou qui peut être quoi? Un zamir. Mafhoum? Par exemple, le frère Abdel Nadim dit hal qara'at al-qur'ana, qul lahu na'am qara'atuhu, ayna al maf'ul bi huna? Al-zamir. Mafhoum hakada? Hal ra'ayta, par exemple, hal ra'ayta zaydan? Na'am ra'aytuhu. Mafhoum? C'est-à-dire le maf'ul bi إما اسم ظاهر apparent comme le Coran ou un zamir. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Qui veut répéter pour qu'on rentre avant de rentrer dans l'exercice? C'est quoi le maf'ul bi? On a dit Mansoub. Pourquoi on ne dit pas une fatha? On le verra plus tard, il peut avoir le ya et ainsi de suite. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dans la phrase, il y a بعد الفعل فاعل وبعد الفاعل المفعول به. نعم الفعل والفاعل ثم المفعول به هذا هو الأصل. Hein, on a bien dit l'as, ça veut dire on n'a pas dit c'est une obligation. Car on verra plus tard, sans entendre, le مفعول به peut ça veut dire même précéder même le sujet et le verbe. Comme on a par exemple il y a كان عبود. Ici il est devant le verbe et le sujet. Le fond. Également quoi? اسم ظاهر او. C'est le مفعول به, ça peut être un اسم ظاهر ou un ضمير. Le fond là? Un exemple, ism zahir. Ism zahir. Kallam Allahu Musa. Très bien. Kallam Allahu Musa. Le fond là, il y a un zamir. Par exemple, je te dis, hal dahatta ila al masjid, tu diras. Ah, oui. Et toi, bien sûr. Là, un zamir. Ma dahat. Ma dahat. Ou par exemple, là, ma dahatuhu, là. C'est mieux de dire, par exemple, hal ra'ayta zayd, tu diras. لا ما رأيته. نعم ما رأيته. طيب إن شاء الله جريا أبيا. نعم. Il y a une chose, vous la donnerez peut-être demain, إن شاء الله. Là on va lire, إن شاء الله. طيب. Comment؟ لا رأيته ولا أعرفه. Par exemple, هذا هو. Si tu réponds avec là encore, tu me dis هل رأيت زيد؟ أقول لك لا رأيته ولا أعرفه. Voilà. Pour répondre encore à l'exercice de tout à l'heure. لا رأيته ولا أعرفه. Mais si c'est avec ma, ما رأيته. طيب بسم الله on dit les frères. Inch'Allah j'ai en oublié. عين الفاء. طيب تأمل الأمثلة الآتية. تأمل ما معنى تأمل يا محمد؟ Moi. Ouais. Regardez attentivement. Inch'Allah tout le monde l'a appris ce mois. القرآن. القرآن هنا إلي مرفوع طيب على هنا قرأ الطالب القرآن طيب فعل فاعل ومفعول به كتب المدرس الدرس طيب القهوة شرب الضيف القهوة طيب فتحت آمنة الباب إن شاء الله تلمون داكم خيان طيب عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ضاخ خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما. عين ما معنى عين؟ c'est-à-dire désigne le sujet et le CD dans les phrases suivantes. Après, il te dit ضع خطا واحدا, c'est-à-dire il te dit mets un trait sous le sujet et deux traits sous quoi? المفعول به. عين شيء, c'est-à-dire désigner. نعم. طيب. Là, on a quoi? كسر طفل القلم. طيب. Maintenant, comme tout le monde a compris qu'il y a voix haute avec les terminaisons. Kassara. Tiflou al-qalama. Très bien. Kassara tiflou al-qalama. Kassara fi'al. Non. Tiflou al-fa'il. Qalama al-maf'al. Très bien. Très bien, Inch'Allah. Maintenant, on ne fera pas toute l'analyse grammaticale, mais le fait de dire marfou', on sait que c'est quoi? Al-fa'al, ou al-mansoub, ou al-maf'al. Et si une phrase n'avait pas comprise, Inch'Allah, on l'a traduit. Au suivant. غسلت آمنة المدينة. لا المنديل. المنديلة. نعم. المنديلة. نعم. أكل أسامة العنبة. العنبة. العنبة. وأكلت زوجته الموز. نعم. par exemple ici là, il y aurait pas de tashkil. Est-ce qu'il y aurait une ambiguïté? Non. Parce qu'on sait bien que le raisin il est mangé. Il ne mange pas. Le fond de là, vous avez compris ça les par rapport à tout à l'heure, c'est compris ça, Abdelmajid? C'est-à-dire, même là, si par exemple, il n'y a pas de tashkil, tu ne dois pas te tromper. Akala, Oussama, Oussama, c'est lui qui mange. Et la femme, c'est elle qui mange aussi. Le faux malin? Au suivant. Charibat. Pas charibat. Charibat. Non, je sais. Moi, je ne l'ai pas corrigé sur le tir. La prolongation, là, avec ceci. Charibati. Là. Est-ce qu'on l'a fait cette règle ici? Voilà. Alors si tu lis de cette manière-là, c'est faux. Mais si tu fais une liaison, ouais. Taïf. Sharibat al-baqara tout le ma. Mais si tu t'arrêtes, sharibat. Le faux? Le ti ici, c'est pas anti-sharibti. Là, ici, c'est quoi? C'est une règle de liaison. C'est-à-dire, deux secondes se sont rencontrées. Si tu veux lire directement, tu mets une kasra. Le faux, madame? Tu savais cette règle? Taïf, voilà. Vas-y alors. Naam. Sharibat al-baqaratu al-ma'a. Au suivant. Hafiza hamzatu al-Qur'an. Très bien. Hafiza hamzatu al-Qur'an. Au suivant. Darabat Fatimatu bintaha. Très bien. Darabat Fatimatu bintaha. Même là. Même s'il n'y a pas de tashkil, on sait que c'est la maman qui frappe. T'as vu? Ah bah voilà, dans l'islam. C'est pas la fille. Darabat Fatimatu bintaha. Qatala rajulu al-hayyata bil-hajar. Non, même à l'al-hayya. C'est la bête comme escorpion. Serpent. Non, t'as vu? C'est un synonyme aussi. Barakallahu fik. Au suivant. Samira Bilal al-Adal wa Daba ila Nasir. Tu fais pas exprès, j'espère, Allah. Depuis tout à l'heure, les frères, ils disent pas comme ça. Mais nous, les voyelles. À partir de demain, je te laisserai même plus lire. Vas-y. Ouais, ouais. T'as vu, vas-y. Fadal. Fadal. Samira Bilal al-Adal. Vas-y. Samira Bilal al-Adal. سمع بلال الأذان. نعم. وذهب إلى المسجد. نعم. سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. كتب الدرس كتب المدرس الدرس على سبورتي. سبورتي. سبورتي. نعم. فتح البقال الدكان في الساعة الثامنة. Très bien, barakallahu fik. Akmil al-jumal al-atiya bi kalimatin munasab wa dhbitha bi shakl. طيب, là il te demande de quoi? De compléter les phrases suivantes avec des mots qui convient et tu mets les terminaisons. طيب, man fataha, tu diras man fataha bab al-masjid. Naam, baba al-masjid. Très bien, c'est-à-dire que tu nous as mis un maf'ul bi, en même temps il est mudaf. Très bien, mashallah. Man fataha baba al-masjidi. عليكم السلام. غسلت أختي تقوم بيه يا فيه؟ Ça y est, faut mettre un œuf bien déchiré. Je sais pas si t'as pas compris. Alors. Si t'as compris ça, alors c'est quoi qui... Le dar c'est neuf albi. Rassalat ourti. Qu'est-ce qu'elle a lavé cette sœur? Taouba. Taouba. Taïb ou al-qamisa. Taïb. Rassalat ourti. Taouba ou al-qamis. Au suivant. قتل رجل الحية بالعصا. نعم قتل الرجل الحية بالعصا. وشيفا شرب يوسف القهوة. نعم شرب يوسف القهوة. كتب المدرس درسا على السبورة. خير كتب المدرس درسا على السبورة. وشيفا سقطت سعاد الخبز. نعم سقطت سعاد الخبز أو أكلت سعاد الخبز. نعم قرأت لا قرأت كما سكون سر همزة. نعم قرأت كتلي الكتاب لا قرأت القرآن. طيب غير سامبل كمساسة ذاتي دي قرأت القرآن أو قرأت تفجير كتاب الله. مصيبا نعم لا سأنذر في تفولة. سمعت سمعت غياب بيان لفن لفخاز ذاتي دي أمتي تون كيف يكسي على فا سمعت لا أتاك في سمعت Ya Hamzatou, c'est-à-dire tu vas parler à qui là? À Hamza. Alors regarde comment tu vas parler là. Là, Ya Hamzat l'istifham. Tu diras Asami'ata. Voilà. Asami'ata l'adhan, Ya Hamza. C'est le seul. Non. Sinon, tu peux mettre un autre verbe. Adhanta, l'adhan. Voilà. Au suivant. نعم مسكت بيتو كويسيون فتح فتح التاجر الدكان. طيب وشيفا خرج الطلاب من الفصل. خير بيان خرج الطلاب من الفصل بصارت الله ان شاء الله فينا تطلع دجا يوفي نياج بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Mer